D'une bergère qui en eût célèbre un caillou. Sourire si elle était Stone, Bernadette Soubirou. Elle n'avait pas inventé la poudre, mais elle s'en collait dans le nez. Car pour dire j'ai vu la Vierge à Lourdes, fallait être un peu défoncé. Bien sûr, cette sombre histoire fait rire les gens bien constitués, ceux qui n'avalent pas des couleuvres comme on boit une tasse de thé. Mais hélas, aujourd'hui encore, il reste une minorité. Et la bergère attire encore des sbires par centaines de milliers. Ils ont même creusé une mare au nom de la Sainte Trinité, où l'on pousse des gens en fauteuil à qui l'on a fait espérer. Et quand ces pauvres ou grands ressortent, c'est sûr que ça fait un effet bœuf. La mort dans l'âme et Dieu les garde, y a de jolis petits pneus tout neufs. Mais hélas, mes braves compères, cette histoire n'est pas terminée. Et au troisième millénaire, on n'est pas bien plus avancé. Car quand un vieil octogénaire vient s'agenouiller tout tremblant, c'est l'affluence record au sanctuaire, quel spectacle affligeant. D'ailleurs, quand je le vois trembler, je me dis quelle belle revanche pour tous ceux qui ont écouté ces beaux sermons tous les dimanches. Maintenant, quand je le vois s'exprimer 10 fois moins bien qu'un dyslexique, je me dis qu'ils sont enfin vengés, tous les Africains si laïcs. Oui, je l'avoue bien volontiers, cette chanson n'est pas très tendre. Je ne m'en excuse pas, désolé, car l'heure n'est pas à se défendre. D'avoir des idées bien tranchées, c'est même nécessaire aujourd'hui, pour que ne reste impardonné des milliers d'années d'idiotie. Je sais, c'est sûr que c'est pas aisé, trouver un sens à l'existence, mais c'est tout de même un peu facile de s'abandonner à l'obédience. Car si l'on s'y penche un petit peu, il est pas si dur d'entrevoir des solutions bien plus sensées pour expliquer nos petites histoires. Des hommes visionnaires insatiables y ont même consacré leur vie. C'est notre devoir maintenant de ne pas les laisser sombrer dans l'oubli. Ils ont même bien ouvert les yeux à des années d'obscurantisme, où l'on brûlait vif qu'il est mieux les opposants du christianisme.